que ma prose. Quoi d'économie, c'est grandiose. Je ne signe pas de mon nom, mais d'un surnom pompeux. J'explique, référence intellectuelle oblige. Chaque phrase évolue dans un flux artistique. Défi, expérimentation sémantique. Et toi ? Moi j'exploite, je travaille dans une multinationale et je dicte par le fric, c'est ça l'industrie du disque. Tout est couvre, les encarts, les pubs, tes textes ringards, scribouillards. Tu m'écoutes et quand j'appelle, tu accours et tu rampes. Tu écris exactement ce que je dis, tes envies, tes coups de cœur, tout ce dont je doute. D'ailleurs, tu oublies et tu montes au nu, mon petit chéri. La découverte, la merveille, le son de la semaine, numéro 27. Dépêche-toi, boucle ça, ne reprends pas un train de retard sur la presse d'outre-Manche. Car n'oublie pas, tu es en France, il faut suivre la cadence. Ne jamais, jamais mener la danse, car si tu aspires à ça, il faut oublier l'éclat de ton nom. Typographe couché sur papier classé, retour dans les packs de disques, tu achètes.